ce n'est qu'une information. En l'an 2000, nous serons 6 milliards 900 millions 980 000. Ça fera plus de génies, quelques abrutis aussi. 6 milliards 900 millions 980 000. Un bon milliard de Chinois, 100 millions de Zaïrois. Mais j'aimerais que quelqu'un vienne m'expliquer pourquoi nous les champions de l'amour, nous en resterons toujours à n'avoir seulement que 50 millions de Gaulois. Viens, couchons-nous, aimons-nous, peuplons la Lozère. Viens, ou sinon l'Aveyron sera un désert. Ou sinon l'Aveyron sera un désert. 6 milliards 900 millions, ça fait si le compte est bon, un peu plus de 3 femmes et demi pour un garçon. Je vous laisse imaginer les soirées qu'on va passer, mais faudrait pas que les Français ne soient pas qualifiés. Vous me direz tout bien pesé, qu'on pourra mieux circuler. 6 milliards 900 millions 900 automobiles. Et puis aux Nations Unies, comme on sera les plus petits, on nous protégera comme des monuments en péril. C'est...